Velouté l'amour pour moi, pour vous. Pas balancer, tu es un papy. mette cassion, qu'un te empêche de voler. Mais si on vit fini, fini, fini, oh, oh, oh. A balance chair, a papi letla. Oh, chérie, sweet chérie. C'est comme si c'était moi de cajeté. Velouté l'amour, pour moi, pour vous. Velouté l'amour, velouté. Pas besoin.